Audiomatique. Projet EMA, acronyme de l'artiste américaine Erica Michelle Anderson, nous offrait sa pièce Satellites à titre d'introduction de la transmission 349 d'Audiomatique. Cette pièce est tirée de son avant-dernier album The Future's Void, paru en 2014. La suite d'Audiomatique ne se fera pas attendre, puisque voici, sans plus tarder, la formation Blonde Redhead. Yes, and have you so amusing? Smiling can be so. Nous entendions à Audiomatic le groupe allemand Hojob et sa composition The Cage Complex, extraite de l'album Solutions for a Small Planet, paru en 1996. Et pour débuter cette courte séquence, le groupe Blonde Redhead nous interprétait la pièce A Cure, tiré de son album Melody of Certain Damaged Lemons, lancé en 2000. Les frères jumeaux Simone et Amedeo Pace, qui sont nés en Italie, ont grandi dans le quartier Saint-Léonard à Montréal et ont étudié le jazz à Boston, ont rencontré en 1993 l'artiste japonaise Kazu Makino dans un restaurant italien à New York. Et c'est à ce moment que Blonde Redhead a été fondée. Et c'est sur la musique de la formation pré-kraftwerkienne du nom d'Organization que se poursuit Audiomatic. like your hair do, and your lipstick do. All right, all right. Gotta do it your way. Gotta write your own. And I like your hair too. And your lipstick too, babe. Gotta do it your way. Gotta go your way. There's no way to tell. And there's many ways to go. There's pain in your heart, and your head in the snow. All right. Audiomatique, nous venons tout juste d'entendre la formation Can et sa pièce Half Past One tirée de l'album Landed paru en 1975. Avant Can, nous écoutions Dear Hoof et la pièce Oh Yeah Saddle Babes tirée de leur tout nouveau disque Future Teenage Cave Artist. Et en début de séquence, c'était Organization, groupe formé en 1970, notamment par Ralph Hutter et Florian Schneider, qui vont ensuite prendre le nom de Kraftwerk pour la suite de l'histoire. De l'unique album publié sous le nom de Organization, intitulé Tone Float, nous entendions la pièce Silver Forest. À Audiomatique, les sonoristes vous présentent maintenant la musique du groupe anglais The House of Love. Away, this is the way to go. searching by the priests. As shadow shifts on gray terrain, I notice there's no floor. Transparent air suspends my weight as if I had no mass. Then suddenly the moon comes up from clouded skies. Wet and cold from shifting daydreams, waking in the sleep. Window pane observing some corrosion down below. Waiting for the noise to come to blur the weary mind. Watching as a pastime, and I'm the fallen star. Ce bloc musical se terminait à Audiomatic avec la formation suédoise Covenant et sa pièce Go Film que l'on retrouve sur son troisième album Europa, sorti en 1998. Tout juste avant, il s'agissait de Mr. Scruff, le projet de l'anglais Andrew Carty, de qui nous entendions la pièce Shelf Wobbler, paru sur l'album Trouser Jazz, qui a été lancé en 2002. Et ce qui amorçait ce segment, c'était le groupe anglais de House of Love et la chanson PKR, extraite de l'album She Paints Words in Red, sorti en 2013. La transmission 349 d'Audiomatic se terminera sur la musique hypnotisante du projet The Field, duquel nous écouterons la pièce Soft Streams, apparaissant sur l'album The Follower, publié en 2016. Mercredi prochain dès 17h, la transmission 350 de Audiomatique sera présentée en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Et par la suite, la version balado-diffusion sera téléversée sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique afin que vous puissiez l'écouter quand bon vous semble. Alors voici pour terminer The Field et la pièce Soft Streams. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Thank you.